À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée et du premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, les meetings commémoratifs, expositions de livres et de photos coréens et séances de films ont eu lieu en Roumanie, au Mexique, en Norvège et en Inde. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos sur les activités révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient exhibées également les œuvres classiques des grands hommes Baek-tusan, les livres et photos montrant la réalité de la Corée. Lors des séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Drapeau du Parti du Travail de Corée ».